trouver sur le net. Un discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui Why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly? Micro ouvert. On s'écoute la deuxième partie des rencontres d'été de l'habité léger. C'était le samedi 27 août 2016. C'était près de Namur, près de Dinan, à Porcheresse, près de Ciney aussi. La première partie, on a pu entendre Pascal Tisse d'Habitat et Participation, de la nécessité d'une étude juridique sur l'habitat léger. Benoît Piedebœuf, bourgmestre de Tintigny, projet pilote Habitat léger à Tintigny. Et maintenant, on va pouvoir entendre Luc Gendrin, déclinaison entre la notion de logement et d'habitat léger. Ensuite, Vincent Letellier, avocat urbaniste et assistant à l'ULB, loi sur la domiciliation définitivement provisoire, tout un programme. Et pour finir, avec Paul Lacoste, membre de Alem France, se construire en mouvement. Alors évidemment, j'ai la question de l'habitat justement léger, des questions juridiques, de qu'est-ce que c'est un habitat, qu'est-ce que c'est pas. Eh bien, pour y répondre, nous avons encore un expert. Luc Gendrin. Alors, Luc Gendrin, qui s'installe à table, est directeur ad intérim, c'est ça, Luc ? Oui. OK. De la direction des études de la qualité du logement. Donc, bref, il travaille à la région Wallonne. Luc est un compagnon de route de l'habitat léger. Il était déjà présent lors de l'habitat léger, en fait, rappelez-vous, c'était à Ramilly. Et aussi, il répond volontiers aux questions des habitants. Donc, une fois qu'il a fini de répondre aux questions sur le plateau, eh bien, n'hésitez pas à l'interpeller dans les coulisses. Monsieur Letellier, est-il dans la salle? Ah, voilà, j'ai une main qui se lève là. Alors, soit c'est le vrai, soit il est mythomane. Non, c'est le vrai. Très bien. Alors, Luc va nous parler de tout ça et je lui donne immédiatement la parole. Merci Thierry. Bonjour à tous. Effectivement, l'habitat léger connaît toujours autant de succès vu le nombre de personnes que présente aujourd'hui. Alors bon, il y a différentes... Donc on a parlé jusqu'à présent quand même pas mal des questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Je pense que c'est quand même un souci extrêmement prégnant dans le cadre de la problématique de l'habitat léger. Donc moi, je vais en venir aux questions qui concernent plus particulièrement le logement. Et dans mes activités professionnelles, je m'intéresse essentiellement à la question de la salubrité du logement. Bon, je ne pense pas que je vais faire ici un exposé technique concernant les normes pour vous dire chacun voit ce qui est un logement traditionnel, je vais dire, et les différences qui existent par rapport à l'habitat léger. Donc je ne vais pas placer le débat sur la question des normes, mais je vais plutôt essayer de voir quels sont les schémas culturels, entre guillemets, qui existent et qui, par moments, peuvent donner l'impression d'opposer deux types d'habités, l'habitat traditionnel, entre guillemets, d'une part, l'habitat léger et d'autres formes nouvelles d'habitat, parce que ce n'est qu'un mode d'habiter nouveau parmi d'autres. Et donc, je pense qu'il y a un principe général que M. Piedbeuf a évoqué tout à l'heure, c'est que, effectivement, pour que les normes évoluent, il faut quelque part une pression. Donc, on dit toujours « gouverner, c'est prévoir ». Mais, dans les faits, les institutions sont quelque chose d'assez compliqué et, généralement, les normes elles évoluent quand il se passe quelque chose. C'est plutôt en réaction. C'est relativement rare, une norme qui anticipe un phénomène dont on avait pressenti l'émergence. Non. Généralement, ça vient après. Voilà. C'est un mécanisme humain. C'est ainsi, je pense qu'il faut faire avec. Mais donc, quand on sait qu'il est là, fatalement, il faut qu'il y ait des personnes qui exercent la pression. Si personne n'exerce la pression, c'est clair que les choses n'évolueront pas. Donc, je vais également faire un tout petit historique, mais je remonterai moins loin dans le temps que ce que Pascal n'a fait. Mais donc, effectivement, c'est sans doute la révolution industrielle qui a permis l'émergence du modèle de logement en dur que nous connaissions. Donc, à cette époque, effectivement, de l'exode rural, ben les personnes étaient, les ouvriers étaient massés en près des sites industriels d'une façon, à mon avis, assez peu correcte. Ils étaient plutôt entassés dans des baraquements. Et donc, à l'époque, on a estimé que le logement ouvrier en dur, en brique, était une réponse adéquate à la problématique des baraquements que l'on connaissait à l'époque. Et donc, c'était dans une démarche de progrès social que ce modèle a été valorisé. Donc voilà, et je pense que quelque part, cette question déjà ancienne exerce toujours une influence aujourd'hui, que le progrès social se traduit à travers ce type d'habitat en dur, avec un certain nombre de commodités sanitaires et autres, électricité et compagnie. Voilà, je pense que en background, ça fait partie de quelque part de nos schémas culturels, et les politiques, comme tout citoyen, ont cela quelque part, même s'ils ne s'en sont pas conscients, quelque part dans le coin de la tête. Donc, de dire que le progrès passe par ce type d'habitat. C'est un élément. L'autre est de dire que l'habitat, entre guillemets, précaire ou qui n'est pas en dur comme on l'entend actuellement, est souvent la conséquence d'une contrainte. Les ouvriers qui, au moment de la révolution industrielle, arrivaient dans de plus grands centres pour trouver du travail, ils n'avaient pas de moyens, donc ils étaient contraints d'habiter des baraquements quelconques. Ce n'était pas un choix de leur part, il n'y avait pas d'autre possibilité. On a évoqué il y a peu la catastrophe minière de Marcinelle il y a 60 ans, l'occasion de nous rappeler que les mineurs, essentiellement d'origine étrangère, que l'on a fait venir à l'époque, on les mettait dans des baraquements qui éventuellement avaient servi comme camps de prisonniers. Donc, je pense qu'il y a, par rapport à tout ce passé, l'idée de se dire que tout ce qui était de structure relativement légère est quelque chose de négatif, qu'il faut sortir de là. Ça rejoint la première idée que je viens de développer. Un peu plus tard dans le temps, début des années 90, suite à la conjugaison de deux phénomènes, qui est d'une part l'abandon des grandes maisons en centre-ville par des propriétaires occupants. Et donc, ça a transformé ça en location, avec un objectif de rentabilité, bien entendu. Donc, le coût du logement a radicalement augmenté à partir du début des années 90, et donc des personnes n'ont plus, conjointement au fait que l'emploi était en déclin et que les moyens financiers des personnes étaient en déclin également, ont trouvé la solution que de s'installer dans des lieux qui anciennement étaient des lieux touristiques avec un type d'habitat qui au départ était destiné à accueillir les gens de façon temporaire généralement à la bonne saison. Donc, à nouveau, je pense que le politique a vu cela comme quelque chose de contraint. Beaucoup de personnes sont parties d'où elles étaient parce qu'elles n'arrivaient plus à suivre financièrement quant au loyer qu'elles devaient payer. Et donc, ce n'est pas nécessairement... Mais bon, c'est un caractère un petit peu caricatural, hein, mais parfois on est amené à devoir tracer des gros traits pour tenter d'expliquer les choses. Et donc, il y a certainement une bonne partie de contrainte dans le fait que des personnes se sont installées à l'époque dans ce type d'habitat en zone touristique, dont la vocation était initialement touristique. Bref, les choses évoluent. La situation du logement ne s'est pas améliorée globalement, même si, effectivement, la qualité du logement... Elle continue, année après année, du logement traditionnel, elle continue légèrement à s'améliorer. Néanmoins, le problème, c'est l'accès au logement, pas seulement en termes d'accès à la propriété, mais accès à la location. Et donc là, les choses, je dirais, plus le temps passe, plus les choses me semblent s'aggraver. Et donc, fatalement, la réponse, c'est de trouver d'autres manières d'habiter. Voilà. Ça, c'est pour un petit peu l'aspect, le décor socioculturel des choses qui n'est pas une approche fermée et qui est peut-être un peu caricaturale, mais c'est pour voir un petit peu quels sont les grands ressorts qu'il y a derrière différents mouvements. La question maintenant, plus technique entre guillemets, de la salubrité des logements. Les normes de salubrité sont apparues, elles aussi, au début des années 90, à l'issue de ce qu'on a appelé le scandale des garnis. Donc, ce sont des propriétaires qui, d'une part, conscients que la population avait moins d'argent suite aux problèmes d'emploi, différentes crises des années 70 et 80, ont décidé de rentabiliser les espaces dont ils disposaient d'une façon parfois un petit peu anarchique, je vais dire. Donc, il y avait... un exemple célèbre d'un cinéma à Couem qui avait été transformé en pseudo-logement. C'est évidemment quelque chose d'aberrant. Chacun dans une alcôve, sans accès à la lumière du jour. Voilà, c'était dans les années 90 et c'est quelque chose qui est arrivé. Et donc, il y a eu à cette époque-là une réaction forte du politique de dire ben, ce n'est pas tolérable que des propriétaires puissent exploiter ainsi des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, l'intention des normes n'était pas nécessairement de contraindre les gens à vivre dans un certain modèle, c'était d'assurer une qualité de vie minimale à des personnes en situation de rapport de force défavorable vis-à-vis d'un propriétaire bailleur. Et donc, c'est de cette manière que les normes de salubrité sont nées, ont été rendues obligatoires, et qu'une série de divers contrôles a commencé à être menée. Donc, je rappelle le contexte entre guillemets historique, c'est celui de personnes qui sont locataires. Et donc, au départ, les critères de salubrité, ils visent avant tout à protéger des personnes locataires. Le but premier n'est pas... le public cible premier n'est pas celui des propriétaires occupants. Voilà, encore une autre idée que je mets en place. Donc voilà, il existe effectivement tout un corpus de normes qui visent l'habitat classique et qui ne trouve pas juridiquement à s'appliquer à l'habitat léger, puisque la définition du logement dit que est logement immeuble ou partie d'immeuble bâti structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages. Et donc quand on dit bâti, derrière ça, on sous-entend en dur. Voilà, donc on pourrait effectivement, dans ce cas-ci, contrairement à l'urbanisme, dire qu'il y a une forme de vide juridique, puisqu'il y a des personnes qui vivent dans des habitats qui ne sont pas des logements, et auxquels, a priori, aucune norme ne s'applique. Et donc, la manière un peu simpliste de traiter le sujet serait de dire, bah, puisqu'il n'y a pas de norme, tout va bien, alors laissons ces gens vivre comme ils l'entendent, puisque c'est un champ qui n'est pas couvert par la réglementation. Bon, évidemment, c'est un raisonnement par l'absurde. Donc voilà, ce qui est à construire, c'est de dire qu'il y a un segment d'habitat avec des personnes qui y vivent et segment pour lequel il n'y a pas de normes qui trouvent à s'appliquer pour l'instant. Donc, la question est, ben, faut-il des normes ? Si on est dans une perspective de « il faut protéger des personnes », il pourrait y avoir des personnes dans ces habitats qui sont en situation de faiblesse, et donc, il serait utile et opérant d'avoir des normes. Voilà, je pose le débat d'une façon un petit peu interpellante, puisque d'un côté, on critique un peu la norme, mais d'autre part, quand on pose la question de façon différente, on se dit ben, il y a quand même une utilité, il y a éventuellement un sens à cette norme. Bon, c'est un débat sans doute un petit peu caricatural, parce que je sais que la plupart des occupants d'habitats légers, ils en sont, entre guillemets, propriétaires. Et je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit à Mont-Saint-André il y a un peu moins d'un an, c'est que, évidemment, dans l'hypothèse où il y a des personnes qui se dirigeraient dans l'option de dire on va, nous, propriétaires, devenir bailleurs d'habitat léger, bon, je pense qu'il faudrait nécessairement là un encadrement plus spécifique. Mais on n'est pas dans ce cas de figure tant qu'à présent. Alors, un autre titre de l'exposé était « Est-ce que dans ce domaine, les pouvoirs ont des communes ?» Les communes, pardon, ont du pouvoir. Bon, ben, je pense que l'exposé de M. Piedbeuf a montré de façon admirable qu'effectivement, les communes qui le veulent ont du pouvoir. Mais il se situait principalement, il me semble, sur la question de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais bon, si on s'en réfère à l'application des normes logement, donc la région effectivement a édicté un certain nombre de normes, je rappelle, logement. L'application concrète lorsqu'il s'agit d'arriver à des mesures éventuellement contraignantes, mais ça c'est la commune et le bourgmestre qui éventuellement prend les choses en main. Et donc, il se dispose à cet égard-là d'un pouvoir discrétionnaire, puisqu'il peut agir comme il peut ne pas agir. Mais s'il n'agit pas évidemment dans une situation où la vie ou la santé des personnes est en danger, ben, s'il arrive quelque chose, évidemment, on pourra lui en faire le reproche par la suite. Et donc, voilà, il y a des normes. Quand effectivement il y a un danger important pour les personnes, ben, il est dans la logique des choses que la commune intervienne. Mais s'il s'agit d'un non-respect des normes à la marge, je vais dire, qui ne menace pas ni la santé ni la vie même des occupants, la commune dispose d'une grande marge de manœuvre pour éventuellement ne pas intervenir. Ce que l'on constate parfois dans certaines communes et singulièrement dans des grandes villes où il y a beaucoup de petits logements et que ces villes trouvent qu'à certains endroits il y en a même trop, c'est que parfois les normes sont en quelque sorte instrumentalisées pour essayer de fermer un certain nombre de ces petits logements. Voilà. J'ai brossé en grande ligne mon petit exposé, qui, je suis certain, ne rencontrera pas toutes vos attentes, étant donné que j'ai l'habitude du nombre de questions qui me reviennent par la suite. Mais voilà, je vous laisse maintenant la parole. Et comme Thierry l'a dit, nous avons tout le loisir de discuter de choses plus précises ou plus individuelles par la suite en tête à tête. Merci. Alors maintenant, on répond aux questions. Voilà, c'est au premier qui lève la main. Et en l'occurrence, c'est une première. Bonjour, Ornella Van Zand. En fait, je suis architecte de formation et je travaille au niveau de ma thèse sur l'habitat groupé et l'habitat léger, bon, tout ce qui est au niveau du logement, différent. Et en fait, c'est plutôt une réflexion plutôt qu'une question. Et aussi, c'est assez simpliste, hein, mais quand je réfléchis à cette définition d'immeuble ou partie d'immeuble bâtie dans la définition du logement, je me demande pourquoi on ne peut tout simplement pas la transformer et parler d'immeuble ou de yourte ou de caravane, ou en tout cas de tout espace pouvant accueillir une famille ou un ménage. Voilà, c'est parce que... C'est une manière légère de réfléchir, mais bon, voilà, je vois pas pourquoi c'est si compliqué de modifier cette définition pour que le bâti, qui est la terminologie qui dérange, ben, n'existe finalement plus et puisse pouvoir accueillir toutes sortes d'habitats. Effectivement, la modification d'un terme pourrait entraîner de vastes conséquences, mais donc... Ce qu'il faut avoir également à l'esprit, c'est que même s'il y a un code du logement et qu'il y a à côté un code du développement territorial, les différents corpus réglementaires ne sont quand même pas si imperméables que cela entre eux. Et donc la typologie globale de l'habitat, si on regarde la Wallonie de loin, c'est la structure du bâti traditionnel, donc en dur. Donc voilà, je pense que un des fondamentaux de la question est que généralement c'est la problématique majoritaire qui l'emporte. Et le code d'été ne va pas, à ma connaissance, modifier la définition des différentes zones, à savoir que la zone d'habitat, merci, dans l'esprit de beaucoup d'urbanistes, c'est la zone d'habitat telle que conçue actuellement. Alors, il ne faut pas, effectivement, comme l'a dit M. Piedbeuf, c'est quand même pas quelque chose de totalement imperméable, hein. Donc, sur la commune d'Otigny, il a failli avoir une yourte implantée entre des maisons traditionnelles. Ce qui est quelque chose qui ne plaît pas, a priori, aux urbanistes, puisque ils aiment bien une certaine homogénéité de l'habitat. Et M. Piedbeuf l'a dit tout à l'heure, pas de mélange de genre. Donc, voilà. Effectivement, il paraît plus facile de construire un quartier nouveau avec une nouvelle typologie d'habitat que d'insérer un habitat différent au sein d'une structure de bâti traditionnel. Et je pense que voilà, ce qu'il y a derrière ça, c'est que on a toujours un arrière-fond de bâti traditionnel, tandis que le bâti autre, ben, il conserve toujours un caractère un petit peu pilote ou expérimental. Moi, je ne pense pas qu'il faille brusquer les choses. Les modes d'habiter évoluent. La norme peut évoluer, comme j'ai dit tout à l'heure, sous une pression sociale. Mais je pense qu'au fil du temps et au fil de ces nouveaux modes d'habiter, des différents projets qui vont être proposés au pouvoir public, qui vont être du coup interpellés, je crois que les réponses devront venir. Et voilà, il faut continuer en ce sens d'une interpellation. Mais il y a toujours cette peur de ce qui est autre et différent et qui n'est pas facile d'intégrer. Voilà, c'est propre à la dynamique du changement, je veux dire. Le changement, il se fait rarement de gaieté de cœur par rapport à des institutions où il y a quand même une certaine lourdeur et une certaine inertie. Inertie qui n'est pas à voir de façon négative comme une volonté d'absence de mouvement. Non, mais c'est que tout cela est tellement complexe et bien articulé tant qu'à présent que si on veut changer les choses, on croit peut-être modifier un mot à un endroit. Les conséquences peuvent être à différents niveaux. Et donc voilà, tout ça doit être pensé, articulé. Je pense que les choses vont, comme toujours, inévitablement évoluer. Merci, merci Luc. Alors il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, 3 minutes. Donc on peut encore prendre allez, 2 questions en faisant compact et serré les réponses. Bonjour, Johan Verhagen, je suis conseiller énergie et rénovation à Bruxelles. Donc j'aime beaucoup sur ce que vous dites sur la pression sociale et qui fait effectivement que le changement vienne du citoyen et qu'on apporte nos idées et nos réflexions. Mais que pensez-vous de finalement, dans tout changement, il y a un rapport de force? Et qu'est-ce que vous pensez du rapport de force que le citoyen peut avoir avec des institutions qui sont beaucoup plus grandes, très peu transparentes, comme par exemple, je veux parler de l'Europe. On sait très bien qu'il y a un lobbying derrière qui est énorme. On entend beaucoup parler des normes PEB. On sait que on est face à des normes auxquelles le citoyen a très peu d'emprise, même s'il dit qu'il n'est pas d'accord. Il y a quand même des institutions à des niveaux hiérarchiques beaucoup plus élevés qui imposent ça. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut jouer sur ce rapport de force? Que pensez-vous finalement de ça? Merci. Je vais répondre en tant que citoyen et pas en tant que fonctionnaire. Dans des démocraties comme les nôtres, les gens qui ont le pouvoir, c'est nous qui les avons choisis. Ils ne tombent pas du ciel. On ne nous les impose pas. Voilà. Par ailleurs, tout citoyen a la capacité de se porter candidat. Bon, c'est une réponse sans doute un peu carrée, mais voilà. Il faut des gens qui s'engagent pour faire évoluer les choses à leur niveau. Et voilà. Mais chacun, dans l'isoloir, il a quand même une parcelle de pouvoir au moment de rougir ou de cliquer à l'endroit ad hoc. Voilà, donc effectivement, alors, c'est sur la question là, c'est une question évidemment de base. Hein, s'il y a effectivement la dynamique citoyenne et puis il y a la dynamique marchande, et on est une société qui associe le marché et le citoyen. Donc d'une certaine manière, c'est un rapport de force entre les deux. Où est-ce qu'il est? Ça, voilà, il faut regarder où chacun a sa petite idée. Donc M. Piedbeuf dit qu'un élément fondamental, c'est que quand on voit l'habitat léger, on le considère comme n'étant pas sérieux. Je vais surtout raccourcir parce que le temps est court. Donc il y a encore une question à poser là, voilà, là-haut. Donc Anne-Sylvie. Voilà. Anne-Sylvie. Oui, merci. Bonjour, Anne-Sylvie Godot. Donc je suis habitant d'un habitat léger de 13 mètres carrés depuis 4 ans, que j'ai acquis quand j'avais 27 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui et je trouve que le bourgmestre de Tintigny m'appuie en disant: est-ce que c'est pas sérieux? C'était ça la question. Et je suis un peu dérangée, fâchée quand j'entends la majorité des gens qui choisissent de garder en fait les propos urbanistiques en place et la notion de temps aussi. Parce qu'on est quand même une quantité importante de la population jeune et moins jeune, mais jeunes aussi qui ont simplement envie de se loger différemment. Et qui, par le début d'évolution, je dirais, dans la vie de famille, dans la carrière, on est amené à se bouger énormément. On est amené parfois à ne pas construire des vies de famille directement ou à se séparer, se recomposer. Et donc on a de plus en plus du mal à se loger facilement. On est obligé de vivre en colocation, effectivement. Je recommence une colocation à 35 ans. Et voilà, ça me pose question, en fait, que vous, en général, les personnes en charge de diriger l'urbanisme, de diriger nos communes, se mettent en lien et se posent vraiment la question de qu'est-ce qu'ont besoin leurs jeunes, les jeunes familles, les jeunes couples aujourd'hui en termes d'habitat. Et aussi, on n'est pas que dans la précarité, on est parfois aussi fraîchement sorti des études, fraîchement sur le milieu du travail, avec des petits moyens, certes, mais aussi avec beaucoup de volonté, beaucoup de créativité. Et voilà, ce serait se mettre au service un peu de cette population. Et voilà, je vous remercie, monsieur le bourgmestre de Tintigny, et monsieur Gendrin aussi. Je sais que vous êtes venu visiter notre habitat groupé à La Thuy. Et je vous encourage à continuer les réflexions dans ce sens-là. C'est motivant. Je pense que tu as fait la conclusion et c'est très bien comme ça. On te remercie tous. Alors donc on a eu quoi? On a eu l'associatif, on a eu le politique, on a eu le fonctionnaire. Comme dans toute bonne série, il nous manque l'avocat. C'est logique, ça marche, l'avocat, ça fait vendre. Maintenant, il travaille de manière intensive. Et donc, nous allons écouter M. Vincent Letellier, qui est avocat urbaniste et assistant à l'ULB, assistant à la faculté de droit et de criminologie. Donc, c'est aussi, en quelque sorte, un compagnon de route de l'habitat léger, puisqu'il a défendu, il va me dire si je me trompe ou pas d'ailleurs, le squat 111. C'est juste ? C'est juste, entre autres. Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas la seule cause. Ça ne nous rajeunit pas. Non, ben non. Désolé. Voilà. Je vous remercie. Vraiment, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, d'avoir été invité. Alors, je me suis dit, allez, j'y vais. Et plutôt qu'à dire, allez, habiter léger, je pense que le mot d'ordre de la journée, c'est vraiment de s'habiller léger, parce que les conditions de travail sont un peu difficiles. Monsieur le bourgmestre souffre, je l'ai vu. Donc voilà, je suis vraiment heureux d'être avec vous. J'étais un petit peu interpellé par le sujet qu'on m'a attribué. Si on m'avait laissé le choix, je n'aurais peut-être pas pris celui-là, mais je pense, mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a invité, je pense que c'est un faux sujet. Et donc, il me sera donné l'occasion, l'opportunité de vous expliquer en quoi c'est un faux débat. Le problème de domicile, il n'y en a pas. Je pourrais terminer mon intervention comme ça. Alors, je suis aussi un petit peu frustré par rapport à cette thématique, parce que j'ai entendu énormément de choses dans les interventions précédentes et dans vos questions aussi, et qui appelle vraiment, je pense, un débat ou des questionnements qui interpellent l'homme de loi que je suis, puisque j'ai cette fonction-là, non seulement comme avocat, mais aussi comme enseignant, puisque j'enseignais pendant 7 ans le droit administratif, et depuis l'année passée, on a monté, c'est une petite parenthèse qui explique le programme de cet après-midi, vous aurez vu dans le programme que j'interviens avec mes étudiantes. Ça fait un petit peu Charlie qui vient avec ces drôles de dames. Malheureusement, il n'y en aura qu'une, la seconde étant souffrante. Et donc, j'interviens avec une double casquette d'avocat qui est un peu spécialiste, mais un petit peu, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et de manière plus générale de droit administratif, de droit public, et comme un des moteurs d'une clinique de droit à l'ULB, raison pour laquelle j'ai proposé à deux étudiants de m'accompagner. Une clinique de droit, c'est quoi ? C'est une forme anglo-saxonne, essentiellement américaine, d'enseignement clinique. L'enseignement clinique, c'est l'enseignement, on le fait essentiellement en médecine, sur base d'un cas pratique réel. Traditionnellement, dans nos universités en Belgique, en France, on travaille sur des cas fictifs. Dans les travaux pratiques, on invente un sujet et les étudiants doivent travailler dessus. Et nous, on s'est dit au sein du Centre de droit public de l'ULB qu'il y avait peut-être aussi un autre rôle à revaloriser de l'université, qui était un rôle moteur, un rôle fort au sein de la cité, et de pouvoir mettre à disposition un savoir qui est garanti par les enseignants qui encadrent ces cliniques de droit, et de aussi remplir pleinement notre fonction d'enseignement, puisque les étudiants travaillent sur des cas réels qui nous sont soumis par des ONG, des organismes. Voilà, on a commencé ça l'année passée, et parmi les organisations ou organismes ONG qui nous ont contactés, il y avait le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui nous a soumis ce problème de modification législative pour ce qui concerne l'inscription au registre de la population, raison pour laquelle, comme j'étais interpellé sur ce sujet-là, j'ai évidemment proposé à mes étudiants de participer à l'atelier de cet après-midi. C'était la moindre des choses que de leur rendre cela. Ce qui m'a interpellé dans les interventions de tout à l'heure, c'est cette peur du vide. J'ai eu l'occasion de passer une semaine de vacances à faire du canyoning, et je me suis rendu compte que j'ai pris de l'âge, j'ai eu la peur du vide. 5 mètres, ça va, 6 mètres, ça va, au-delà, les enfants sautent, moi, j'ai peur du vide. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est un peu ça. Il y a un vide juridique, il faut le combler. Et M. Gendrin, si j'ai retenu votre nom, a dit, raisonnons par l'absurde. Imaginons qu'il y ait effectivement un vide et qu'il n'y ait rien. Ce n'est pas un raisonnement par l'absurde. Le droit encadre les comportements humains de manière à organiser la vie en société. on doit partir du principe que, à défaut de cadre, à défaut de normes, c'est la liberté qui prévaut. Et ce n'est pas absurde. Les pouvoirs sont exécutés en vertu de la Constitution, des lois qui sont prises en vertu de la Constitution. Au-delà de ce cadre-là, c'est la liberté. Je pense que les citoyens oublient cela. Je pense que les autorités administratives l'oublient aussi assez souvent. Il faut remplir le vide. Alors, remplir le vide à tout prix n'a aucun sens. Il y a un sens à remplir le vide pour atteindre un objectif. L'objectif, on ne va pas se mentir, il est toujours politique. Toute norme est la traduction d'une volonté politique. Donc, elle est l'émanation d'une majorité. Elle vise en principe à remplir un objectif. Alors, ces objectifs, ils se déclinent dans plusieurs matières. Et la question de l'habitat léger est terriblement intéressante parce qu'elle met en œuvre une série de matières. Et ces matières, en principe, elles sont autonomes. On appelle ça en langage juridique l'autonomie des polices administratives. Une définition qui est donnée dans un code qui vise à atteindre un objectif n'est pas applicable au même mot dans un autre code qui vise à atteindre un autre objectif. Exemple, la notion de logement dans le quatuple, code wallon, l'aménagement du territoire et du patrimoine, n'est pas la même que celle du code du logement. Et essayer de dire ou dire que la définition doit être injectée dans tel... ça n'est pas vrai. Si le législateur lui-même ne donne pas les mêmes définitions dans les différentes polices administratives, les notions ne se recoupent pas. Ce qui est un premier élément. Deuxième élément, je vais arriver au cœur du sujet. Parfois, il y a des normes. Et parfois, ces normes ne sont pas contraignantes. On invente des contraintes. Parfois, elles le sont. Et le sont parfois à bon escient. Prendre un exemple, un intervenant dans la salle a dit, il y a un vide juridique, enfin, cette idée-là qui venait, j'ai une yourte en zone agricole. Ce n'est pas un vide juridique. En zone agricole, ne sont autorisées que les exploitations agricoles. La question est claire. Ça a été défini dans la définition de la zone agricole. Tout le territoire est divisé en zones ou plans de secteur dans lesquels on indique l'activité qui est admissible. Ériger, je dis bien ériger, pas construire, une yourte en zone d'habitat ne pose aucun problème en termes d'aménagement du territoire. En zone d'habitat, la destination principale de la zone, c'est l'habitat. Peu importe que ce soit dans une yourte, dans une cabane ou sur un matelas. C'est l'affectation d'un terrain. Ce terrain, je peux l'utiliser pour y habiter. Par contre, pour faire une série d'actes et travaux, j'aurai besoin d'un permis. Au travers de la délivrance de ce permis, s'il est nécessaire, on va d'abord vérifier que l'affectation du bien que je vais ériger, construire ou installer correspondent à l'affectation au plan de secteur. Si c'est le cas, ok. Si c'est pas le cas, il y a des mécanismes de dérogation, je ne vais pas développer ça, mais si c'est le cas, se posera une autre question, ce qui est le respect éventuellement des normes propres à l'urbanisme, dont le respect des règlements d'urbanisme qui, eux, peuvent imposer des normes de construction. Et là, on va vérifier si vous rentrez dans le cadre ou pas. Et puis, si vous rentrez dans ce cadre, il restera encore un élément. Et c'est là, je pense, l'enjeu à venir, c'est que les autorités administratives qui délivrent les permis en premier ordre, la commune et sur recours le gouvernement wallon, peuvent refuser quelque chose qui est dans les normes, qui est dans les clous, mais qui ne correspond pas à l'appréciation subjective du bon aménagement du territoire. Et c'est vrai qu'au milieu d'un lotissement de villas quatre façades à Lannes, on imagine assez mal une cabane en paille. C'est une appréciation qui peut être partagée ou pas, mais on peut trouver que ce n'est pas une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité que de refuser ce projet-là. Donc la question qui se pose par rapport à vos projets individuels, c'est de savoir, tiens, où est-ce que, dans le cadre, je peux m'installer de manière à ce que ça s'intègre dans le paysage et aussi vis-à-vis des voisins et du voisinage. Ça, c'est l'élément essentiel. Donc, des limites, il n'y en a pas nécessairement énormément. Question de PEB, tout ça, on pourra en discuter plus tard. Autre question, là j'arrive à sur quoi on m'a demandé d'intervenir, c'est la question du domicile. Alors, sur la question du domicile, aussi, il y a différents éléments à prendre en considération pour bien préciser le débat. Domicile a, lui aussi, comme la question de logement ou d'habitat, plusieurs définitions. C'est un mot qui a plusieurs significations et parfois on utilise ce mot avec des significations différentes. Tout d'abord, le droit au respect du domicile constitue un droit fondamental consacré par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, la Convention européenne et la Constitution utilisent le même terme, le respect du domicile, garantit le droit au respect du domicile, mais les interprétations qui sont données au terme de domicile, alors que c'est le même vocabulaire, et a priori le même objectif politique de protection, ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans la complexité du débat, je retiendrai juste qu'au niveau de la Cour de cassation en Belgique, l'article 15 de la Constitution, qui garantit le respect du domicile, est interprété comme visant tout lieu, en ce compris les enclaves propres y encloses, occupées par une personne en vue d'y établir sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée. Il est de jurisprudence qu'un véhicule aménagé de façon permanente comme logement et qui est effectivement utilisé comme tel est un domicile au sens de la Constitution et doit être protégé. Donc, sous cette notion-là, il y a la protection de l'inviolabilité du lieu de vie, d'habitation. Domicile a aussi une autre définition, qui est une définition de droit civil, qui est celle de l'inscription au registre de la population. Un élément qui m'a interpellé dans votre intervention, monsieur le bourgmestre, permettez de vous interpeller directement, c'est l'intérêt de ce genre de rencontre. Je vous ai entendu dire à deux reprises, pour la première fois, vous avez dit, je ne sais plus à propos de quel... Je pense que c'était à propos de l'habitat léger, je n'ai pas de difficulté à les inscrire dans le registre de la population. Il y a l'égard de personnes âgées dans je ne sais plus quel... Je ne sais plus quelle était la... Dans une zone de loisirs, là, non. Eh bien, je vais vous corriger, monsieur le bourgmestre, mais... Donc, le problème ne se pose pas. Un bourgmestre n'a pas de pouvoir d'appréciation s'il inscrit ou s'il n'inscrit pas. L'inscription au registre de la population est un droit subjectif. Un droit subjectif, c'est quoi ? C'est un droit qui est protégé et que l'on peut donc, dont on peut revendiquer l'exécution forcée par un tribunal. La seule condition pour pouvoir revendiquer le droit d'être inscrit à une adresse, c'est d'y résider effectivement. Et pour contrôler cette condition, les communes doivent, au travers d'un règlement communal, organiser la manière dont on opère les contrôles par la police locale qui vient vérifier qu'effectivement vous avez une brosse à dents et que vous avez quelques affaires qui démontrent que vous êtes installé à l'adresse à laquelle vous vous déclarez. Donc, c'est un droit et une obligation pour le bourgmestre d'inscrire lorsque, effectivement, il y a occupation réelle. Alors, le droit d'occuper un bien, sur base d'un titre de propriété, sur base d'un bail, sur base d'une autorisation du propriétaire, ou peu importe, le droit d'occuper un bien et d'y résider n'est en rien déterminé par l'inscription au registre de la population. Ce n'est pas parce que je suis inscrit au registre de la population que je peux occuper. L'inverse est vrai aussi. Ce n'est pas parce que je peux occuper le bien que je dois être inscrit. Ce sont deux conditions différentes. J'explique de manière très claire. Vous avez un contrat de bail, 9 ans. À la 9e année, vous ne partez pas. Le propriétaire vous attrait devant le juge de paix en expulsion. Il ne suffit pas de dire « je suis domicilié ». Donc, les deux notions, non, l'occupation, donc tout ce qui est droit de construire, respect des règles d'aménagement du territoire, respect des normes d'habitabilité et autres, ne peut pas avoir d'incidence sur le droit au domicile. Pour répondre à des difficultés pratiques de refus de domiciliation. Refus de domiciliation, je dis que la production de normes est toujours politique, l'exécution de la norme aussi. Croire qu'on est dans un monde où on applique la norme parce que la norme, c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, je rencontre rarement ça sous mes différentes casquettes, parce que je suis donc enseignant, je suis avocat, j'ai aussi été conseiller de cabinet ministériel. J'ai vu assez large mécanisme d'application, la production de la norme. On peut comprendre que certains bourgmestres ou certains échevins de l'état civil ne soient pas très engagés à inscrire certaines personnes ou certains types de personnes sur le territoire et donc invoquent l'illégalité d'une occupation, l'illégalité en termes de non-respect des normes d'habitat, de sécurité et autres, pour refuser une inscription. Or, l'inscription domiciliaire, c'est la clé d'entrée à tous les autres droits. Sans domicile, sans inscription, et sans pouvoir établir la preuve de votre domicile, la carte d'identité, ce n'est rien d'autre que l'attestation de votre inscription au registre de la population. C'est un mode de preuve de ce que vous êtes inscrit quelque part. Sans ce domicile, aucun droit. Et donc, pour contraindre les bourgmestres récalcitrants à procéder à ces inscriptions, le gouvernement, dans, je ne sais plus la date exacte, je pense que c'était en 97, a modifié l'arrêté royal qui organise la tenue des registres de la population de manière à prévoir, y insérer un principe d'inscription temporaire. Il faut bien savoir que l'objectif poursuivi à l'époque, par côté temporaire, qui était de 3 ans, n'était pas du tout d'inquiéter la personne qui demandait son inscription domiciliaire, mais de contraindre l'autorité communale d'agir dans ce délai pour mettre fin à la situation, soit en mettant en œuvre des procédures d'expulsion, soit en permettant aux personnes concernées de se mettre en conformité et d'obtenir la régularisation de ce qui justifiait le caractère temporaire de leur inscription pour des raisons d'illégalité qui touchaient à la sécurité, la salubrité, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, l'instrument, historiquement, puisque chacun des intervenants vient avec son développement historique, le mien est celui-là. L'objectif de ces 3 ans, c'était de mettre la pression sur les autorités communales. 2015, changement de paradigme. Le législateur, aujourd'hui, va modifier le système en l'intégrant non plus dans l'arrêté royal qui est un élément d'exécution de la loi, mais dans la loi elle-même. Je vous cite l'extrait pertinent de cette loi du 9 novembre 2015, qui est rentrée en vigueur le 1er janvier. Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, telles que constatées par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune au registre de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière par une régularisation. L'idée, c'est que ce qui est provisoire devient provisoire définitivement, en tout cas potentiellement. Il n'y a plus de délai de 3 ans. Premier élément, quand je suis interpellé sur ce sujet, je me dis que ça change. Quel est l'enjeu ? Quel est le problème ? Alors on me dit, le problème, c'est qu'il y a une stigmatisation des personnes, parce que sur les documents qui leur sont remis, il est indiqué domiciliation provisoire. Ok, oui, je conçois parfaitement que ce soit stigmatisant, que si on a un rendez-vous avec son banquier, ça peut éveiller des questions auxquelles on n'a pas envie nécessairement de réponse, mais le problème est-il lié au caractère provisoire de l'inscription dans le registre de la population ou de cette inscription? Or, le juriste que je suis ne trouve pas de fondement légal à l'inscription de la qualité provisoire ou du caractère provisoire de la domiciliation sur les documents émanant de la commune ou de tout autre pouvoir public qui aurait accès au registre de la population. C'est sans fondement, c'est illégal. Un arrêté royal définit ce qui peut apparaître sur les documents officiels, le caractère définitif ou provisoire n'y entre pas. À mon avis, il n'y a pas de débat. Donc, quand même, revenir sur le fond de cette loi. Donc, le délai de 3 ans, il est supprimé. Ce qui est provisoire devient provisoire définitivement. Peut l'être jusqu'au départ des personnes ou la régularisation. Je l'ai dit, ce délai de 3 ans était une incitation aux communes à agir, donc la suppression, en fait, elle vient court-circuiter cet objectif-là. Et donc, le faisceau, l'objectif politique, qui est le moteur de la création de cette norme, n'est plus de protéger les habitants, puisque ce délai de 3 ans était protecteur, mais de laisser pérenne une situation prétendument problématique. Même si elle peut l'être vraiment, mais si elle l'est vraiment, il y a des modes d'action, les communes peuvent prendre un arrêté d'inoccupation, elles peuvent l'exécuter, ou des mesures qui peuvent être prises, ou par d'autres opérateurs d'ailleurs que les communes. Donc, véritablement, il y a une nouvelle approche dont moi, je n'arrive pas à comprendre la logique, mais nous avons la chance d'avoir... j'ai entendu que vous étiez aussi député fédéral, donc on pourra débattre peut-être dans le question time, s'il en reste. Donc, ce nouveau dispositif n'a absolument aucun intérêt pratique. Il me semble qu'il est justifié par une approche peu libérale, vous m'excuserez, monsieur le bourgmestre, de stigmatisation, une approche peu libérale de l'interdit, où le principe devient, je le vois dans d'autres législations, particulièrement en matière de réforme de la justice, où celui qui n'est plus dans les clous, qui n'est pas dans les clous, a moins de droits, ou des droits temporaires. Il y a une sorte de « si vous n'êtes plus dans les clous », alors qu'il n'y a pas de clous en l'espèce, eh bien, il n'y a pas de clous, tiens, je viens d'y penser, parce que l'habitat léger, je ne sais pas si on peut mettre des clous. Mais si vous n'êtes pas dans les clous, on vous accorde des droits temporairement comme une sorte de tolérance. Et je pense que c'est un point de vue de la société qui est en train d'évoluer. Mais je parle peut-être au-delà de l'homme de droit, quoique. L'exposé des motifs de la réforme tronque d'ailleurs la philosophie qui avait présidé à l'adoption de l'arrêté royal 97, mais ne me coupez pas la tête si je me trompe sur l'année. Selon le ministre de l'Intérieur, qui justifie cette réforme, il prétend qu'à l'époque, c'était pour sensibiliser les personnes quant au caractère précaire de leur situation, alors qu'en réalité, on visait véritablement à mettre la pression sur les communes pour agir et y mettre fin. Donc, qu'est-ce qu'on demande ? Enfin, quelles sont les conclusions, les conditions plutôt ? Excusez-moi, je suis peut-être un peu long aussi, je vais essayer de raccourcir. Pour que les communes puissent mettre en œuvre ce mécanisme. 3 conditions. Premièrement, il faut que la personne vienne s'établir dans un logement. C'est une définition autonome. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Chaque police administrative a ses propres définitions. Le code... Ici, la notion de logement ne recouvre pas la définition qui est donnée dans le code du logement. Il faut l'entendre au sens courant. C'est un local à usage d'habitation. C'est l'usage qui définit le logement. Et c'est d'ailleurs assez normal qu'on veuille se domicilier, résider dans un logement. C'est le fait de résider qui fait que ça devient un logement. Donc, première condition inintéressante. Deuxième condition, l'occupation doit être permanente. Là, c'est une tautologie. puisque l'inscription au registre de la population concerne la résidence principale et donc s'inscrit dans la permanence. Troisième condition, celle-là, elle est essentielle, c'est l'occupation de ce logement de manière permanente n'est pas autorisée, dit le texte, pas autorisée, pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Je reviens à un autre élément important du début de mon exposé. Le principe, c'est la liberté. Les restrictions à la liberté doivent s'interpréter de manière restrictive, ne peuvent être prévues que par la loi ou en exécution de celle-ci. Et donc, a priori, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, la loi prévoit que, et ça c'est une avancée par rapport au mécanisme antérieur, c'est que l'interdit d'habiter doit être constaté préalablement à la demande d'inscription au registre de la population par une décision administrative ou une décision judiciaire. Le bon vouloir du préposé au guichet, ou si on monte un cran plus haut, de l'échevin de l'état civil, ne peut pas présider à la décision. Soit ils ont une décision administrative ordonnant interdisant ou ordonnant l'inhabitabilité pour des raisons de sécurité, salubrité publique ou en vertu de violation des normes du code du logement, soit il y a une décision judiciaire ordonnant l'expulsion, soit pour des raisons soit d'infraction urbanistique, soit d'infraction autre, soit il y a un PV au minimum constatant cette infraction, mais ne préjugeant pas de sa réalité. En dehors de ces hypothèses où il y a un acte administratif ou une décision de justice, le principe, c'est que la domiciliation est acquise de manière permanente. Ce qui n'empêche pas, et c'est ça l'inintérêt total de ce dispositif, ce qui n'empêche jamais les autorités compétentes de poursuivre en expulsion, puisqu'il n'y a pas de lien entre l'inscription et le droit d'occuper. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un progrès. Enfin, c'est la procession d'Echternacht, en réalité. On progresse d'un côté en disant on ne peut refuser l'inscription définitive que s'il y a un constat antérieur de l'illégalité. Il faut le déposer de manière à la personne pouvoir réagir, soit en se mettant en conformité, soit en formant appel, soit en introduisant les recours ou que sais-je. D'un autre côté, il y a un recul puisque le caractère définitif devient permanent. Alors, la source de ce qu'il soit fait mention du caractère temporaire de l'inscription au registre se situe en réalité dans une circulaire, même pas du ministre, mais du directeur, la direction registre de la population du SPF intérieur, qui n'a évidemment aucun pouvoir pour rajouter une mention qui n'est pas prévue par les textes légaux et réglementaires. Voilà, je suis évidemment disponible pour répondre aux questions, sachant que j'interviens dans un, ou j'anime un atelier cet après-midi. Donc Merci. Merci, monsieur Letellier. Et ça, c'est les avocats. Et en plus, quand ils sont doublés de professeurs, quand ils sont partis, plus rien ne les arrête. Alors, peut-être une question là-bas au fond, Serge, déjà. Oui, peut-être. Pour ça que vous m'avez mis en fin de journée, fin de matinée. Non, aucune arrière-pensée. Nous sommes de pureté. Voilà, je m'appelle Raymond Boucher. Nous venons avec quelques amis du Brabant flamand, où nous vivons dans des logements, disons, légers. Donc, c'était un ancien camping où on a pu être domicilié depuis quelques années. Et ça aurait été magnifique si ça pouvait durer. Malheureusement, donc on loue le terrain et on a notre habitation à nous dessus. Donc, soit des chalets, soit des mobilhomes. Et il y a un projet maintenant, donc du propriétaire, qui veut récupérer le terrain pour construire des petites maisons de 40-50 mètres carrés à 80 mètres carrés. Aussi assez légères, mais un peu mieux et mieux isolées qu'on nous propose et tout. Ce qui change complètement la donne, puisque là, ça sera une location et on tournera à plus de 500, voire presque 600 euros pour les plus petites habitations, mensuelles évidemment. Donc ça change complètement la donne. Le problème, il est, c'est que nous sommes domiciliés, nous payons des impôts, des taxes sur la commune et tout, et peut-on nous chasser ? Voilà, c'est un peu... C'est quels seront nos recours aux besoins ? Car il y a une partie des habitants qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'on va leur proposer. Ils ont fait un choix de vie dû suivant aussi leur budget. C'est très près de Bruxelles et beaucoup de gens sont des retraités ou des familles assez précaires aussi. Donc voilà, quels seront les recours pour ces gens-là ? Merci. Je n'ai pas de réponse et je pense que votre question en fait dépasse largement le cadre. Je ne dis pas ça pour essayer de l'éluder, hein, mais c'est la question du rapport à son logement. Le fait d'être domicilié, je l'ai dit, c'est très, très simple, très clair, ne consacre aucun droit. Peut-être, enfin, c'est même pas la question de domicile, c'est domicile au sens légal d'inscription au registre de la population. Il y a une protection éventuellement par le juge plus particulière du lieu de résidence au travers du contrôle du droit au logement, mais à l'égard essentiellement de bailleurs publics. Ici, le problème est un problème commun par rapport à tout logement. À partir du moment où je ne suis pas propriétaire, la propriété est garantie. Si on m'exproprie, il y a un mécanisme de contrôle et d'indemnisation préalable qui existe. Si je suis locataire, alors que ce soit locataire d'une caravane ou locataire d'un terrain sur lequel je mets un chalet avec toutes les questions de droit civil sur question de propriété finalement du chalet ou du terrain, mais voilà, vous êtes tributaire des choix du propriétaire. Alors, il est possible peut-être d'invoquer un droit au bail de résidence principale et d'obtenir la protection du juge de paix, mais il faudra vérifier dans le dossier quels sont les types de contrats et essayer de revendiquer la même protection parce que c'est un bail qui porte en fait sur votre résidence principale, mais il faudrait encore que le propriétaire en ait eu conscience au moment où il a passé les contrats, etc. Donc voilà, c'est une question qui va au-delà du thème d'aujourd'hui. Merci, merci, merci maître. merci monsieur Letellier. Senti. Humili. Ah ouais. Forcément, on peut tous les faire. Alors, donc, si vous avez des questions encore à poser par rapport à tout ce qui s'est dit, et j'imagine qu'il y en a, mais bon, voilà, je l'ai dit tantôt, animé, c'est frustré, et j'en tire aucun plaisir, quoique. Ce qui était important, c'est de dire que cet après-midi, il y a une série d'ateliers participatifs, et donc, monsieur Letellier, vous pouvez encore le cuisiner pendant des heures durant cet atelier-là. Il ne faut pas hésiter. Hein, on peut le dire comme ça. Voilà. Et il y en aura encore d'autres, hein, parce qu'il y en a un sur les yourtes, les roulottes, les caravanes, etc., pour le combat commun. Il y en a encore un autre sur l'agir de la Journée mondiale de l'habitat, hein, donc européenne, la domiciliation avec monsieur Letellier, les droits fondamentaux, le libre arbitre avec justement Marc, Jean-Marie et Gaspard du collectif Allez. Et alors, il y en aura également un avec Mon Habité, Atelier d'expression, avec Laurence Bratt, d'Habitat et Participation, et Anaïs, du collectif Allez. Voilà. Mais Clément n'a pas pu venir, il n'a pas pu nous rejoindre. D'accord. Jusqu'à la dernière minute. J'ai entendu. En suspens. Mmh. Ok, mais donc Paul. Oui. Paul, c'est toi. Paul, c'est moi, Paul. Donc, Paul intime. Voilà, Paul. Membre de Alem France. Donc, ouais, Alem France, on l'a déjà dit tantôt, c'est une association française qui travaille sur l'habitat éphémère, les gens du voyage, etc. En fait, tout l'habitat léger de manière générale. Et avec notamment une ambition, c'est d'exporter le débat plus loin que les frontières de l'Hexagone. Et vous avez raison, parce qu'en France, vous êtes très fort pour porter vos problématiques en dehors du monde. On exporte nos merdes. On voit bien que quelquefois, ça fait un peu ruissellement chez nous. Et en tout cas, celui-là, on se réjouit qu'il ruisselle. En tout cas, voilà, on ne peut pas avoir que des bêtes débats sur le burkini. On peut aussi avoir des débats intelligents sur l'habitat. C'est ce qu'on fait aussi ici. Et donc, vous allez nous parler de comment avancer, construire un mouvement au niveau peut-être plus large que la France. Enfin, on vous écoute. Ouais. J'hésitais à présenter un peu rapidement la genèse de Alem et comment on est arrivé à essayer de justement disséminer, de se promener en France, par exemple, avec une caravane chaque année, puis de venir en Belgique comme l'année dernière. On est très content d'être arrivé jusqu'à vous. Et oui, l'idée d'essaimer, c'est important. Parce que l'habitat léger, effectivement, il est répandu partout. Et que partout, les habitants de logements éphémères et mobiles ou l'habitat spontané est conspué, discriminé. Donc il y a toute une histoire de mobilisation qui est effectivement hyper importante. Chez nous, donc en France, effectivement, Alem, né dans un camping, a rapidement fait le lien avec la question des gens du voyage. En France, l'habitat en camping, dans les espaces de loisirs, est interdit. Il est interdit plutôt de se domicilier, donc d'avoir sa résidence permanente dans un camping. On ne peut pas y mettre son adresse. Dans la réalité, c'est un arrêté de 84, un décret de 1984. Dans la réalité, en 2005, il y a une étude qui est faite. Il y a 70 000 à 120 000 personnes. C'est très vague. Pour vous dire que c'était une enquête d'une universitaire, on ne sait pas vraiment combien il y a d'habitants en camping. Plus récemment, une présidente d'un syndicat qui fait le tour des campings pour les étoiles qu'elle décerne aux campings nous a dit que c'est au moins 200 000 personnes qui vivent dans les campings. Donc il y a eu un rapport parlementaire en 2010 aussi qui a établi qu'en dehors des campings, dans les nouvelles formes d'habitat, yourtes, mobilhomes, il y avait au moins aussi 250 000 parcelles occupées par de l'habitat hors normes. Nous, donc, Alem, né dans un camping, très proche des gens du voyage aussi, parce que c'était une question de circonstances. Alem est né en Essonne. Il y avait un directeur de la structure d'accompagnement des gens du voyage, qui était très proche de Joe Sacco, le fondateur. Et ils ont vite fait les parallèles sur les questions de la discrimination. Chez nous, en France, les gens du voyage, il y a un passé douloureux, historiquement chargé de discrimination, un passé historique qui n'a pas vraiment laissé la place à autre chose qu'une tentative de ranger les gens de nouveau dans des cases. En tout cas, nous, on a eu deux lois, les lois Besson, qui ont amené donc l'État à imposer aux collectivités de créer des aires d'accueil pour les gens du voyage, et seulement quand les aires d'accueil étaient créées, ils pouvaient interdire le stationnement ailleurs. C'est très intéressant ça, c'est parce que en fait on s'aperçoit que dans la loi Allure, il y a une question aussi qui se reproduit un peu comme ça. On va autoriser quelque part, mais ça permettra d'interdire ailleurs. En France, il y a un truc particulier dont je voulais vous parler, c'est que la liberté de camper, c'est une liberté qui est encadrée de manière assez simple. Tout le monde peut camper avec l'accord du propriétaire ou sur son terrain. Il n'y a pas de limite, c'est une occupation temporaire, mais il n'y a pas de limite dans le temps. Il y a un minimum d'obligations, donc de pas nuire à l'environnement, de pas nuire au voisinage, d'assurer la salubrité, donc la sécurité éventuellement. Il y a une limite, la norme c'est on peut accueillir comme ça temporairement jusqu'à 6 emplacements, 6 installations et 20 personnes. Voilà. Au-delà, c'est on rentre là dans un régime de déclaration, on devient espace de loisirs, c'est une autre norme, c'est une activité commerciale en général. Il n'y a pas d'autre biais d'ailleurs. Ou alors, oui, si. Il y a le camping à la ferme, il y a les espaces de loisirs plus. Voilà. On s'est pas mal mobilisé pendant les 10 dernières années donc, contre des lois, notamment en France, on a eu le premier truc très symptomatique qui est apparu en 2005, c'est la charte de cabanisation, la charte de lutte contre la cabanisation dans les Pyrénées-Orientales, faite par un préfet. Dans la foulée, on s'est dit oulala, parce que chez nous, on a des espaces quand même plus vastes, peut-être moins contraints, beaucoup de contrées désertifiées ou des espaces sauvages, quoi. Et, Et donc, dans les Pyrénées-Orientales, en fait, il y a ces espaces sauvages. Et puis, il y a aussi le littoral. Et sur le littoral, il y avait beaucoup d'installations aussi. Et je crois que c'est la question de l'aménagement du territoire. Et pour limiter et pour nettoyer tout le littoral, parce qu'on a eu une loi littorale, une loi montagne, enfin, il avait mis en place donc un livret. Et il essayait de mettre tout le monde sur la brèche, ce préfet, donc les notaires, les maires, EDF, pour éviter les raccordements sauvages. Et on a eu cette apparition d'une politique répressive très, très, très cadrée, qui était sûrement destinée à limiter, mais aussi à accompagner la résorption de tous ces espaces où il s'était développé un grand nombre d'installations. On a eu la loi LOPCI aussi qui devait donner LOPCI, c'était loi d'organisation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. C'était une loi où vous avez un peu tout mélangé, et puis normalement ça donnait pouvoir au préfet pour évacuer en 48 heures si besoin tous les campements illicites, habitat hors normes. Ça a fait l'objet d'une belle mobilisation où ALEM s'est bien appliqué. On a utilisé le moyen des campements dans les villes, notamment, pour rendre visible et communiquer sur la question, parce que on est plus sur le versus toujours pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas évident pour les habitants de rendre lisible quelque chose qui est illégal. Donc on en était plutôt invisible. C'est comme ça que la Fondation Abbé Pierre souvent appelle tous ses habitants. Et en fait, de poser en pleine ville des campements et d'inviter au débat sur une loi qui liberticide, anticonstitutionnelle, ça a amené un peu une prise de conscience. Il faut faire bouger les choses, on a des moyens. On peut aussi se montrer au grand jour. Et finalement, la loi a fait son petit chemin parce qu'il y avait une majorité au gouvernement. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré, l'opposition ayant déposé un recours contre l'article en question. On a eu aussi une loi Léonard. Et là, on a fait... La loi Léonard, c'était une loi qui obligeait tout... En fait, c'était un article qui obligeait tout... locataire dans un camping a prouvé qu'il a une résidence principale hors du camping. En fait, si vous avez une adresse ailleurs, vous pouvez éventuellement habiter toute l'année dans le camping, mais si jamais vous n'avez pas d'adresse, mais ça posait vraiment un problème pour rester dans le camping. Et donc on a eu une petite mobilisation éclair. Ça, c'était très, très sympathique, parce qu'avec 500 tracts, en venant le jour précis où le secrétaire d'État au logement faisait les assises du logement d'abord à l'Assemblée, et en diffusant ces tracts tout simplement dans la file d'attente, on a déclenché, les journalistes étant là, une réaction très rapide. Et donc ces formes d'action, en fait, dès que en fait, le média se saisit de ces questions et de la complexité de ces questions, on voit que le politique, en fait, il est un peu gêné aux entournures. Donc la loi n'est pas passée parce qu'elle a été différée. C'était la fin de la session parlementaire et on n'a pas eu de... On a eu à ce moment-là un petit soulagement. Ce qui est un peu consternant, c'est de voir que la ministre du Tourisme, au moment de la parution de la loi Allure, où la ministre du Logement faisait parallèlement une ouverture sur l'habitat démontable, la ministre du Tourisme a fait paraître, et personne ne l'a vu sur le moment, un décret qui reprenait le décret de 84, mais obligeait en fait tout simplement les baux dans les campings et les règlements intérieurs à stipuler qu'il est interdit de se domicilier dans le camping. Une nouvelle manière d'endiguer ou de rendre le domicile dans les campings illégal. Donc, difficulté d'accès aux droits et éventuellement vulnérabilité sur tous les plans. Donc en fait, on a ce travail en réaction, on a l'émergence par moment de spasmes, on va dire, où tout le monde se retrouve, les travelers, les habitants du camping éventuellement, les gens du voyage qui eux aussi sont conspués et avec qui on essaye d'avoir beaucoup de relations sur les possibilités de solidarité. On a une permanence juridique qui essaye de filer le coup de main à tout le monde. On essaye de suivre certains procès aussi, quand c'est possible, parce qu'en fin de compte, sur la masse de contentieux qui apparaissent possibles, il y a énormément de gens qui, par peur, vont partir. La plupart des gens qui appellent disent « Oh là là, je suis vraiment dans la merde et ça va être difficile, qu'est-ce que je dois faire ?» Et en fait, le fait de comprendre que non seulement ils ont des droits, mais qu'en plus il peut y avoir une solidarité qui peut être accompagnée, effectivement ça change la donne. Et c'est là qu'on essaye de travailler aussi à ce que... de motiver tout le monde pour essayer d'animer cette question au local, parce que une petite association sur l'étendue de la France, c'est pas évident. Sur la question de faire mouvement, donc j'ai repris quelques éléments comme ça de ce qui nous préoccupait en France, et ça fait quelques années déjà qu'on a eu l'occasion d'essayer de faire passer le message, soit lors de rencontres, je me souviens, j'ai rencontré Pascal à Naples sur le forum social urbain en marge du World Urban Forum. C'était super de rencontrer des militants de partout, puis l'occasion de voir qu'en fait sur la question de l'habitat léger, à part en le reliant à tout ce qui est habitat informel, bidonville, et sur l'habitat léger tel que nous le vivons, entre subi et choisi, hein, dans les pays occidentaux, il n'y a pas beaucoup d'associations qui se mobilisent, en fait. Et donc, on en avait pas mal parlé avec Pascal. Et la question de faire réseau en Europe, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est toute la question de l'évolution des lois nationales, des constitutions, enfin bon. De la disparité des constitutions, de l'interprétation, et puis cette question des droits fondamentaux, sachant que si on peut faire avancer les choses assez facilement en faisant valoir, par exemple, que ce sont des habitats exemplaires écologiquement, que pourquoi pas léger, après tout, c'est des alternatives économiques, et puis même ça va créer de l'emploi, et puis des facilités, la mobilité, tout ça c'est assez facile. Après, quand on commence à se dire qu'il faut intégrer la question des gens du voyage et cette mobilité, elle doit être accessible à tous. Et dans cette question de la mobilité, il y a par exemple la question de l'accueil aussi des migrants à l'heure actuelle. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais effectivement, là, on se rend à Calais et Grande-Synthe dans quelques jours, parce qu'il nous a semblé que c'était important d'avoir cette discussion-là avec les militants locaux, avec les élus, de comment à un moment on dit mais oui, c'est non seulement c'est faisable, la preuve ils l'ont fait, et c'est complètement inacceptable au XXIe siècle de se dire pendant qu'on nos bombes pètent en Syrie, qu'on encaisse les sous, qu'on fait nos petits trafics de pétrole, les migrants qui arrivent chez nous, non, on va les laisser dans la boue. Et, donc voilà, Alem essaie aujourd'hui de se motiver autour de cette question, d'aller à la rencontre aussi de toutes ces problématiques et des mouvements qui pourraient relayer en Europe. Et voilà, on est super content d'être avec vous. On va aller. Merci. Santé. Merci Paul. Et donc Serge, avec son bâton magique, la parole. Bonjour, j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'avais parlé de justement le rapport de force avec l'Europe. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur l'importance de créer des réseaux, d'élargir ça au niveau européen. Et j'en ai pas parlé tantôt parce que c'était plus une question. Mais je crois que, voilà, avec l'histoire des migrants et ce genre de choses, on se rend compte qu'il y a des décisions que l'Europe prend et qui sont très peu transparentes, sur lesquelles on a peu d'emprise. Et un des moyens, donc là, vous parlez des réseaux, et un autre moyen que j'ai découvert assez récemment, c'est qu'il y a tout un mouvement qui s'appelle Démocratie in Europe 25, enfin 25. Vous pouvez trouver ça sur DIEM25.org. Et donc, c'est tous des grends éminents intellectuels, dont Varoufakis, Noam Chomsky, Julian Assange, toutes des personnalités qui se bougent et qui font en sorte que justement, ils aimeraient bien faire une autre Europe, rentrer par l'intérieur pour pouvoir redémocratiser, parce qu'il y a un tas de décisions qui ne sont pas du tout démocratiques. On parle du TTIP, tout ce qu'ils font au niveau de l'armée européenne qu'ils sont en train de créer autour de l'Europe pour bloquer les migrants. Il y a des gens, des sauveteurs qui vont sauver les migrants qui se font arrêter et qui risquent de la prison. Tout ce que vous vivez avec l'habitat léger, pour moi, c'est aussi... Il y a beaucoup de normes européennes qui sont créées. Voilà, je voulais simplement dire que ce mouvement pourrait vous aider dans votre démarche à finalement élargir ça au niveau européen et faire que l'Europe soit beaucoup plus démocratique. Ok, merci. Rappelle le nom simplement. DIEM. Oui. 25.org. Donc Democracy in Europe 25. Donc c'est 25 pour dire en 2025, on aimerait que. Ok. Donc, voilà. Paul, tu veux réagir ? Juste un petit mot. Oui, en fait, on est vraiment plus dans... C'est sympa hein, qu'il y ait des mouvements comme ça avec des intellectuels. Et puis nous, on invite tous les intellectuels à nous rejoindre. ALEM est un mouvement de base. ALEM, c'est un mouvement d'éducation populaire. ALEM, si on va sur la place, c'est vraiment pour que tout un chacun puisse venir, même le type qui habite dans son château, le type qui sort de son bureau. Enfin, quand on... voilà. Et cette idée-là, elle est savoureuse, quoi. Elle est, avec beaucoup de délicatesse, en fait, on peut amener sur la place publique un sujet et avec des propos qui aident un peu à motiver tout le monde à soulever la chape de plomb et puis à dire, bon, il y a des choses qui vont se faire, sûrement, si on le veut, on peut. Ça sera peut-être pas parfait tout de suite. Voilà, il y a une temporalité, on peut... Quelque chose à l'encontre de l'espèce d'angoisse permanente générée par les médias ou par les organisations elles-mêmes. Hein, elles génèrent aussi leur dose de crispation. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, mon objectif, c'est quand même qu'on termine à l'heure et que ça se passe de manière intéressante, évidemment. Alors, avant que vous ne partiez, que vous alliez manger, etc., donc je rappelle que... faire connaître Habiter Léger, aller sur le site, faire connaître l'association qui se met en place, la soutenir, amener des bénévoles. Ben, tout ça, c'est votre mission dorénavant. Voilà. Comme ça, vous savez votre feuille de route. Et il y a encore des ateliers donc, participatifs, une assemblée populaire tantôt. Donc, n'hésitez pas donc, à y aller. Et Paul veut encore nous dire quelque chose. Juste un petit truc, je vois qu'il reste 3 minutes. Alors, donc, juste un truc. Nous, on a pensé en France, vu qu'il y a des collectifs locaux qui se montent, peut-être de se proposer des caravanes régional fin du printemps et de relancer une caravane européenne ou internationale à un moment où on se donne les moyens soit de se retrouver à un endroit soit de passer les frontières régulièrement pour s'inviter et puis donner un peu de coloration justement à toute cette histoire. Voilà. Ah ouais. Vincent me rappelle. Merci, merci Paul. Assieds-toi, j'en prie. Donc Vincent me rappelle que pour les ateliers, n'oubliez pas qu'il faut s'inscrire et qu'à l'heure dite, il faut se rendre vers les lieux adéquats. Voilà. Et il y a une garderie aussi, me rappelle Georges. Voilà, comme ça vous connaissez. Alors, une dernière chose simplement. Merci donc à vous tous pour vos questions, votre participation. Merci à tous les invités pour leur expression concise, dans les délais et à la fois intéressante. Donc, belle triple gageure atteinte et bon appétit à tous et à bientôt.